Hey. Pour le 4 et le 6 Ride down, pour le 4 Ride down, 6 C'est la ride Jeune arrivant de Montpellier, débarquant sur Angers. Je rôde par un mini contest. J'ai fini de mes cortèges, sous le poids de mon corps. Mon style hors pair, toujours gangsta shit. Qu'est-ce ta chute? Je reste Westside, toujours de taille pour représenter les miens. Le Dusca, sur Janin, tu vois bien Sarah. C'est Julien le fracas qui kick sur cet instru et qui s'instruit à base de rhum ou de sky. Le but c'est d'être taille, mais dedans c'est Westside. Tu connais mon style, même chez toi je connais déjà. Ouais, tu sais comment je fais. Parrage jusqu'à Pérage, je suis la part Dieu. Je chope les meufs par une ou la part deux. Personne ne peut me stopper à part Dieu. Ah ouais. Toujours prêt à catcher, rider comme un Médabé, teaser chaque fois. Tu me retrouves même au Maroc. Ah ouais. Toujours rien en train de smog. C'est vrai. C'est un track pour l'ami de Lyon. C'est mon sœur Janin. Toujours track qui finisse. Dylan. C'est pour la quarantaine. Dédicace à Sarah et Nisa. Pas pour la famille. Je suis Strack et pour vous, je tire une table. Ouais, sans arrêt. C'est un track pour la mif de Lyon. C'est pour Sœur Janin. Toujours Strack qui se finisse sous Dylan. C'est pour la quarantaine. Dédicace à Sarah et Nisa. Ah ouais, c'est pour Lyon. Je suis Strack et pour vous, je tire une table. En tout cas là je suis rendu chez toi à Lyon. N'oublie pas ce soir, va falloir se mettre ça de toute façon. Rejoins moi je décolle au point du jour. Votre voix au rayon alcool comme toujours. C'est vrai, encore ce soir le sky nous engraine. Ça pas, faut chercher Nizar à la quarantaine. Une fois que notre tête de la réalité diverge, on peut aller en fait se caler sur les berges. D'ailleurs, en passant par Belcourt, on s'arrêtera à l'épicerie. Parce que comme toujours, il nous faudra du whisky. Ou on peut encore se finir dans un bar. Car chez la niaque, de partir tous les trois, nous taper des bars. Soir, Cognac. Tu verras une fois que la tease monte. Faut que je trouve une billage que je puisse monte. Et là, j'avais zappé que Nizar a plein de jolis contacts féminins. Et dans notre état, pour les ramener, il nous faudra un peu de tact et être malin. Appelle les demoiselles et un fort. Kawaitas est là avec toi et bien en forme. Bizarre m'a juré qu'elles ont de bonnes formes. À peine arrivé et je vois qu'elles sont loin d'être difformes. Biatch, d'emblée les biatch se mettent à danser. Et devant nous onduler, nous trop fracassés. Au lieu de les regarder on se remet à teaser. Vas-y Sarah, fais passer le sky. C'est un track pour la mif de Lyon. C'est mon sœur Janin. Toujours track qui finisse. C'est pour la quarantaine. Dédicace à Sarah et Nisa. Passe pour la famille. Je suis Strack et pour vous, je tire une table. Ouais, sans arrêt. C'est un track pour la mif de Lyon. C'est pour Sœur Janin. Toujours Strack qui finisse sous Dylan. C'est pour la quarantaine. Dédicace à Sarah et Nisa. Ouais, c'est pour Lyon. Je suis Strack et pour vous, je tire une table. Ouais, je pense à vous, c'est ça.